Je voulais dans mon cartable. Je voulais dans mon cartable emporter mes châteaux de sable, mon cerf-volant, des coquillages et le portique de la plage. Maman m'a dit, ce n'est pas permis, et puis tout ça, ça ne rentre pas. Alors j'ai pris un beau stylo, pour le goûter, quelques gâteaux, et que des choses raisonnables, plus 3 petits grains de sable.